Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Chantal Daigle. Monsieur Tremblay, j'aimerais savoir d'abord pourquoi vous tenez à ce point-là à ce que Chantal Daigle n'avorte pas? Bien, pour une raison, parce que l'enfant, on le fait à deux. Puis je pense que c'est mon enfant autant que le sien. Jean-Guy Tremblay, l'ex-conjoint de Chantal Daigle, au micro de la journaliste Françoise Guénette en juillet 1989, à l'été de 1989, une histoire en apparence toute banale va pourtant se transformer en véritable affaire d'État. Lorsque Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay rompent, elle attend un enfant de lui. Et lorsque Chantal Daigle décide de se faire avorter, Jean-Guy Tremblay décide, lui, de tenter de l'en empêcher devant les tribunaux. L'affaire va se rendre en Cour suprême et constitue l'une des causes les plus importantes de l'histoire du droit des femmes au pays. Chantal Daigle, tout le Canada veut savoir où et quand vous vous êtes fait avorter. Est-ce qu'on peut le savoir? J'ai traversé. Je me suis rendue aux États-Unis. Puis quand, c'est là, une couple de semaines, là environ une semaine et demie. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que c'était quelque chose sur un coup de tête? Non, c'était pas un coup de tête. Ça faisait longtemps que j'étais déterminée à vouloir me faire avorter, là, depuis le tout début que je l'ai toujours dit. Ça n'a pas été un coup de tête, ça a été une grosse décision à prendre. Expliquez-moi pourquoi vous avez dit avant de partir, la dernière fois qu'on vous a vu, je vais respecter ce que les juges vont décider. Et qu'en coup de théâtre, deux heures avant que la Cour suprême du Canada vous donne raison, on apprend que vous avez été vous faire avorter. J'ai toujours respecté les jugements, mais là, je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver si ça ne fonctionne pas? Je m'étais fait fermer la porte, autrement dit, deux fois par deux cours. Ils m'ont dit, non, madame, vous n'avez pas le droit de vous faire avorter. Je me suis dit, là, s'ils me répondent encore non, comment je vais faire pour sortir du pays, pour aller à l'extérieur, bien entendu, t'sais? Je me disais, je vais le faire avant, ça va être beaucoup plus facile de sortir du pays qu'après. Chantal Daigle, qui se confie au journaliste Louis Lemieux dans une entrevue diffusée le 13 août 89, quelques jours après que la Cour suprême lui ait donné raison dans la cause qu'il opposait à son ex-conjoint, Jean-Guy Tremblay. Le chemin qu'a dû parcourir Chantal Daigle pour se faire avorter a été semé d'embûches. Sa victoire devant la Cour suprême du Canada représente l'une des grandes victoires des femmes devant les tribunaux canadiens au 20e siècle. Pour nous raconter cette histoire, l'histoire de Chantal Daigle, je reçois la journaliste et féministe Francine Pelletier, que vous pouvez lire entre autres dans Le Devoir. Francine Pelletier, bonjour. Bonjour. C'est vrai que cette affaire-là, Francine, a des allures, a priori des allures de faits divers, et pourtant, ce sera une cause cruciale pour le droit des femmes au Canada. De quelle manière cette affaire-là est si importante? Parce que, pour la première fois, on posait deux grandes questions qui, malgré toute la saga Morgan Taylor, vous savez, Morgan Taylor, on venait, grâce à lui, de décriminaliser l'avortement un peu plus tôt cette année-là, en 1989. Mais il s'agissait essentiellement de parler de l'accès à l'avortement, des services d'avortement. Alors que là, on parlait véritablement de ce qui importait, d'ailleurs, au mouvement féministe, de la liberté des femmes de disposer de leur corps. Et c'était posé par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelait Jean-Guy Tremblay, comme on vient de l'entendre, qui veut absolument avoir son mot à dire. On n'avait jamais entendu parler de la possibilité qu'un homme, un géniteur, aurait un droit égal à celui d'une femme qui porte un enfant, de un. Et de deux, on n'avait jamais vraiment considéré les droits des fœtus, parce qu'il va être question de ça, de façon juridique. Bien sûr, le mouvement pro-vie nous parle de ça depuis le début, le droit des fœtus, ouais, etc. Mais jamais ça avait été accepté comme un argument juridique. Donc, c'est vraiment extraordinairement important ce qui se passe. Une cause qui pose des questions fondamentales, qui va sur le fond des choses, au fond. C'est une bonne analyse que vous faites. Autant le jugement qui dépénalisait l'avortement, c'était l'accès. Là, on est sur la question à qui le choix, à qui la responsabilité. Et puis, ce sera une grande victoire. On y reviendra au cours de l'émission. Mais d'abord, comment ça commence, cette affaire-là? Eh bien, d'abord, ça commence par la rupture entre Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay. Elle le laisse au début juillet. Elle est enceinte à ce moment-là de 18 semaines, si je ne m'abuse, et elle veut, vu la rupture, avorter. Et le jour même où elle voulait se présenter à une clinique d'avortement, il obtient, Jean-Guy Tremblay, une injonction de la Cour supérieure du Québec interdisant à Chantal Daigle, sous peine de 2 ans de prison et 50 000 $ d'amende, c'est pas rien, d'avorter. L'injonction va devenir permanente la semaine d'après. Le juge invoquant ce que je vous disais tantôt, le droit du fœtus, les droits des fœtus et le droit du géniteur de s'interposer. Pourquoi? Ça, c'est une grande question qui reste encore un peu mystérieuse, puis les éditeurs comprendront pourquoi dans un instant. Pourquoi veut-il tant s'opposer à l'avortement de Chantal Daigle? Quels sont ses motifs? On l'écoute toujours dans cette entrevue, extrait un peu plus long, dans cette entrevue qu'il a donnée à Françoise Guénette à l'émission Présent en juillet 1989. On écoute Jean-Guy Tremblay. Monsieur Tremblay, j'aimerais savoir d'abord pourquoi vous tenez à ce point-là à ce que Chantal Daigle n'avorte pas? Bien, pour une raison, parce que l'enfant, on le fait à deux, puis je pense que c'est mon enfant autant que le sien. Mais comment ça se fait que vous êtes obligé d'aller aussi loin que de demander une injonction en justice contre elle? C'est le seul moyen que vous aviez, à votre avis, pour l'empêcher de le faire? Oui, parce que la famille s'en mêle. Donc, je veux dire, quand la famille s'en mêle, t'es obligé de faire ça. Agir avec la justice, elle n'a même pas le droit de me parler. Hein? Oui. Parce que la fille, Chantal Daigle, je l'aime encore. Puis dans le fond, bien sûr, tous ces projets-là, ça fait quand même comme l'éloigner de moi. Elle viendrait, puis les portes seraient encore ouvertes. Mais qu'est-ce que vous voulez d'abord? Est-ce que c'est recommencer la vie avec elle ou avoir l'enfant? Avoir l'enfant. Ou avoir raison? Avoir l'enfant et avoir raison. La raison, c'est que c'est un enfant, il est vivant. On a entendu le cœur du bébé tous les deux. Je pense que tu ne suis pas un être humain. Et vous êtes prêt vraiment à vous occuper de cet enfant-là si elle ne le veut pas? Oui, je suis prêt totalement. Je veux dire, c'est un enfant qui va naître. Là. C'est pas une poupée ni une Barbie. Là. Tu t'amuses pas avec la vie de quelqu'un. L'enfant se fait pas seul, se fait à deux. Donc, la décision doit rester à deux si on prend une décision. Mais pour l'instant, vous n'avez pas l'impression de décider un peu à sa place à elle, comme vous la mettez devant l'obligation de vous la forcer un peu là, par la justice à l'avoir, même si elle ne le veut pas. Mais si elle ne le veut pas, qu'elle me le donne, je vais le prendre. C'est mon but aussi. Après ça, je voudrais avoir mon enfant, puis je voudrais qu'elle revienne, elle, avec moi. Que cherche Jean-Guy Tremblay? C'est fascinant cet extrait, parce qu'on sent qu'il y a un peu de confusion dans tout ça. Pourquoi veut-il tant empêcher Chantal Daigle d'avorter? Question de principe, motif plus personnel, qu'est-ce qu'il cherche, Francine Pelletier? En fait, il veut tout, si on écoute bien son entrevue. Il veut, bien sûr, avoir raison. Il veut qu'on reconnaisse son droit d'avoir son mot à dire, alors qu'aucun homme n'avait plaidé une chose pareille à venir jusqu'à maintenant. Mais il veut aussi retrouver la femme qui l'a plaqué. Là, on sent un peu c'est de la vengeance détournée. Là, il parle de l'amour, mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt une façon de se venger de ce qui s'est passé? Cet enfant-là, au fond, faut pas faire dans la pop psycho, mais on a l'impression que cet enfant-là, pour lui, que porte Chantal Daigle, c'est un peu l'incarnation, le symbole de cette histoire d'amour qu'ils ont eue ensemble. C'est un petit peu ça, au fond. Peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un homme qui n'a pas pris d'être laissé et qui invoque, évidemment, plutôt habilement les questions morales, c'est pas une poupée, etc., et qui dit qu'il est prêt à s'occuper de l'enfant. Encore faudrait-il voir si ça a été le cas. Mais je pense qu'il est dans l'abstraction, là. Il parle pas vraiment, là. Il se rend pas compte que de faire ça, c'est évidemment éloigner son ex pour toujours. Et c'est aussi se mettre dans une situation pour laquelle, probablement, il est très mal outillé pour faire face, là. Petite parenthèse, est-ce qu'il est... Évidemment, quand on parle de cette question-là, il y a deux groupes qui s'affrontent, qui sont très bien organisés, le groupe pro-vie, le groupe pro-choix. Est-ce qu'il est d'une façon ou d'une autre téléguidé, récupéré, Jean-Guy Tremblay? Écoutez, je ne sais pas à quel point il a été, sûrement le mouvement pro-vie a voulu lui parler, le conseiller, l'appuyer de la même façon que le mouvement féministe s'est porté aux côtés de Chantal Daigle automatiquement. Mais je pense que c'est un homme qui vous savez, c'est un gros Jean comme devant. On s'est beaucoup moqué de lui et sa moustache d'ailleurs, durant cet été-là, qui se prenait pour un autre, qui voulait avoir son mot à dire, qui voulait se faire remarquer. Je pense qu'il était très content de l'attention médiatique, contrairement à Chantal Daigle, qu'il était beaucoup moins, je pense. Ouais. Il aura raison, dans un premier temps, la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec, Francine Pelletier, vont donner raison à Jean-Guy Tremblay, vont maintenir cette injonction empêchant Chantal Daigle d'avorter. Pourquoi? Quels sont les motifs? Quels motifs donne la Cour pour justifier sa décision? Ben, la cour d'appel, c'est effectivement assez étonnant que deux cours dans cet été-là donnent raison à Jean-Guy Tremblay. Et ça va très vite, là, petite parenthèse, mais évidemment, elle est enceinte, donc les jugements se suivent à une vitesse extraordinaire. Le 17 juillet, donc, deuxième injonction permanente. Le 26 juillet, c'est la cour d'appel qui juge que les droits des femmes ont des limites, comme a plaidé l'avocat de Jean-Guy Tremblay. Et, soi-disant, la Cour dit que selon le Code civil et la Charte québécoise des droits et libertés, la définition d'être humain incorporerait la question du fœtus. C'est un peu vague, c'est flou, mais encore, c'est la première fois, comme je vous dis, qu'on entend parler des droits des fœtus, mm-hmm. Que seraient soutenus des documents juridiques, les chartes et les codes civils, le code civil. Alors, effectivement, là, la route semble totalement barrée à Chantal Daigle, qui a maintenant 22 semaines de grossesse. Ouais. Là. De façon générale, on ne fait pas beaucoup d'avortements après 20-21 semaines. Ouais. Droits du fœtus et droits du père aussi. C'est ça que les cours québécoises reconnaissent. Oui, ils reconnaissent les droits du père, mais là-dessus, je pense qu'ils s'appuient sur aucun texte particulier, sauf le fait que, pour une fois, il fallait le demander, semble-t-il. Un homme le demande et voilà, on décide que oui, ça se fait à deux. Et donc, il devrait avoir un droit du père comme un droit de la mère. Cette affaire, elle est très, très, très suivie à cet été 89. Tous les médias suivent l'affaire. Les réactions à ce jugement de la Cour d'appel vont être très, très, très nombreuses. On écoute d'abord, on reviendra sur les réactions générales suscitées par le jugement dans la société, mais d'abord, la réaction de Chantal Daigle et celle d'Augustin Roy, qui était président de la Corporation des médecins du Québec. C'est comme ça qu'on l'appelait l'Ordre des médecins à l'époque. On écoute donc leur réaction. Le tout sur une chanson, parce que ça fait partie de ce que suscite cette affaire-là comme réaction. Le tout sur une chanson de Plume la Traverse. Il voulait un bébé, elle en voulait pas. Voulait se faire avorter drette là. Il voulait pas lâcher, a pris un avocat pour pouvoir y régler son cas. C'est la balade de Sandal et Candy qui se balade à grandeur du pays. Toujours déterminée autant que je l'étais, il reste à savoir si j'ai encore un autre port de sortie, comme là la Cour suprême, ça peut être assez rapide pour me rendre un jugement à ma faveur. Il faut que tu aies pas ou bien moyen enjeu. C'est du la par la queue. À vouloir à tout prix faire rejaillir sa crème jusque dans le lit de la Cour suprême. C'est la balade. On fait intervenir l'État dans des affaires personnelles, des affaires privées des individus. Je pense que ça n'a aucun sens. Comme si c'était bien mieux de sauvegarder un fœtus pour faire un malheureux de plus. Comme si les femmes savaient plus quoi faire de leur corps quand l'innocence leur grimpe à bord. C'est la balade. Je peux pas croire qu'à rendu à 89 qu'on s'amuse encore avec soit le jugement de dire OK, la femme ou la personne n'a plus le droit d'être maître de son corps. Plus je te regarde, plus je trouve qu'il y a du cave dans toi, Gandhi. C'était assez extraordinaire, ce petit montage. La chanson, ça nous en dit beaucoup sur ce que ça suscite, la façon dont Plume la Traverse interprète cette affaire-là. Puis les réactions d'Augustin Roy, de Chantal Daigle. Il y a quelque chose, Francine Pelletier, avec le recul en tout cas, de complètement absurde dans ce qui s'est passé à cet été de 89 et de complètement insoutenable pour cette femme qui est enceinte et le temps passe et passe et les jugements se suivent et le temps passe. Mais pas seulement insoutenable pour Chantal Daigle, insoutenable pour toutes les femmes et bien des hommes. Moi, j'ai participé à la manifestation qui a eu lieu le lendemain, le 27 juillet, le lendemain de la décision de la Cour d'appel qui maintenait l'interdiction d'avorter. Et je crois que c'est la manifestation de ma vie. D'ailleurs, je pense que ça a été la plus importante manifestation pour l'avortement pas seulement au Québec, il y a eu des manifestations partout au Canada. Et c'était la question qu'il y avait un tel affront, pas seulement sur la question de l'avortement, sur la question de la liberté des femmes de décider de qui elles seraient. Parce que c'est ça la question derrière l'avortement. Ouais. Comment on considère les femmes dans la société? Jusqu'où elles ont le droit de décider pour elles-mêmes la genre de vie qu'elles vont avoir, en passant évidemment par les grossesses qu'elles vont avoir. Et là, c'était clair, autant la question de Morgenthaler, la question des services d'avortement, ne concernait pas nécessairement toutes les femmes, surtout celles qui avaient affaire avec une grossesse non désirée. Mais là, toutes les femmes étaient concernées et tous les hommes de bonne volonté étaient concernés aussi, parce que de voir ce Jean-Guy Tremblay se faire aller devant les médias, il y avait de quoi grimper dans les rideaux. Qu'un homme de cette trempe-là, en plus, vienne nous dire comment vivre notre vie, si on peut avoir un enfant ou non. Les tribunaux, en tout cas la Cour supérieure et la Cour d'appel, disent oui à ça. Il y a aussi quelque chose de très infantilisant, patriarcal. C'est un peu ça là, On nous ramenait 50 ans en arrière. Là. Ouais. C'était vraiment... On ne pouvait pas croire que la même année où on avait gagné devant la Cour suprême l'arrêt Morgenthaler, après 20 ans plus ou moins de mouvements féministes très forts, qu'on pouvait tout à coup faire face à des décisions comme celle-là. Alors, la cause va se retrouver devant la Cour suprême le 8 août 1989, au beau milieu de l'été. C'est très, très rapide, parce qu'encore une fois, il y a urgence. On rappelle, il faut le faire quand même, les 9 juges de la Cour suprême qui sont en vacances au beau milieu de l'été, on les rappelle, ils viennent siéger à Ottawa pour entendre cette cause le 8 août 89. Et évidemment, sur le parterre de la Cour suprême, juste devant l'édifice de la Cour suprême, des représentants des deux camps, les camps pro-vie et les camps pro-choix. Qu'est-ce que vous attendez là, de la Cour suprême aujourd'hui? On attend bien sûr que la Cour suprême sauve le bébé de Chantal. Nous sommes ici pour appuyer Chantal pour la vie. Appuyer le bébé de Chantal qui a droit à la vie. Avez-vous l'impression que votre présence ici aujourd'hui pourra influencer la décision de la Cour suprême? Oui. On veut que la Cour suprême sache qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'avortement. Et je pense pas que d'aimer son pays, c'est d'avorter les enfants. Et si un homme, par exemple un mari ou un homme, peut dire à une femme d'avoir un avortement ou non, c'est absolument injuste. Et si, alors, Francine Pelletier, sur quoi doit statuer la Cour suprême? Alors, sur les deux questions qui ont été mises de l'avant et par la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec, à savoir, est-ce que le fœtus a des droits? Mm-hmm. Et est-ce que le père, le géniteur, a des droits? Et d'ailleurs, c'est décidé dans l'espace d'un mois. Là, faut jamais, devant la Cour suprême, une cause se décide aussi rapidement. Il y a beaucoup de premières ici. On rappelle tous les juges de vacances. Ouais. On insiste que tous les 9 soient là. Puis, il y a un coup de théâtre formidable. Il y a un coup de théâtre formidable. 2 heures avant d'apprendre, de donner leur verdict, on apprend que Chantal Daigle s'est déjà fait avorter. Imaginez. Le 31 juillet à Boston avec l'aide de groupes de femmes, un commando féministe qui est allé en catimini traverser la frontière. Ça a été compliqué. Est-ce qu'on sait comment elle a réussi à passer la frontière? Il y avait quand même 2 jugements contre elle. C'est toute une histoire en tant que telle. D'ailleurs, je suis étonnée qu'on n'a pas fait un film là-dessus. On est parti, on l'a déguisé d'abord. On lui a donné des faux papiers. On l'a déguisé en punk. Et à la frontière américaine, on les arrête car on trouve la mallette d'une sage-femme dans le coffre de la voiture. Ils doivent retourner aux douanes canadiennes. Qui l'accompagne, cette sage-femme. Oui, qui accompagne Chantal Daigle. Il y a plusieurs femmes qui accompagnent Chantal Daigle à Boston, dans une clinique. Et heureusement, il y avait 10 000 $ de cachet dans la mallette pour payer l'avortement qui avait été récolté par le mouvement des femmes. Et on n'a pas trouvé le 10 000 $ parce que là, c'est sûr qu'il ne rentrait pas aux États-Unis. Il laisse la mallette aux douanes canadiennes, il repasse la douane, la frontière américaine, et elle réussit de se faire avorter à 22 semaines dans la clinique de Boston le 31 juillet. Et les juges, donc, il faut voir l'image, là, les 9 juges de la Cour suprême, encore une fois, au milieu de l'été, ils reviennent à Ottawa pour entendre cette cause, ils apprennent au milieu de l'audition de la cause que, finalement, il n'y a plus de cause. Techniquement, en tout cas, elle s'est fait avorter, Chantal Daigle, aux États-Unis. Ils décident quand même, c'est pas rien, ils décident de poursuivre l'audition de la cause. Ils auraient pu dire, fini, basta. Pourquoi ils décident de poursuivre l'audition? Ben, oui, c'est étonnant parce que le juge en chef, Brian Dixon, est en furie, ouais. paraît-il. Il aurait pu la citer, Chantal Daigle, pour outrage au tribunal. Mais je pense qu'ils ont déjà délibéré, en fait, rendu là. Et le fait qu'il y ait 3 femmes sur 9 juges a dû jouer. Mais quand même, c'est à l'unanimité. C'est assez rare, ça, dans les annales de la Cour suprême, un jugement à l'unanimité qui concerne et le common law et le droit civil. Donc, ouais. ça veut dire que ça s'applique partout. Ça aussi, c'est pas tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils disent sur le jugement? Ils disent que le fœtus n'a pas de personnalité juridique ni dans le common law, ni dans la charte canadienne, ni dans le code civil, ni donc dans la charte québécoise des droits et libertés, de un. Et de deux, que le père n'a pas le droit d'empêcher l'avortement, qu'il n'y a pas d'argument juridique supportant l'idée qu'un père ait les mêmes droits qu'une mère sur le fœtus. Ouais. Ce qui est donc une grande, grande victoire pour les femmes, avec un paradoxe qui peut être assez troublant, intéressant en tout cas. On parle du droit du fœtus, on parle du droit du père. Au fond, grande victoire pour les femmes, mais on ne parlera à peu près pas dans cette cause, Francine Pelletier, du point de vue de la femme. Absolument. On ne parle jamais du droit à l'avortement ni de la question des droits des femmes comme telles. Et on peut s'en plaindre ou se demander si c'était une bonne chose. Mais en fait, je crois que oui, parce que les gains au Canada et au Québec qu'on a obtenus pour l'avortement se sont faits en faisant des pas de côté, d'affronter la question vraiment en face, d'y aller de front, c'est probablement de subir un échec parce que la question a tellement de ramifications morales, c'est tellement une question controversée, ça l'était en 89, ça le sera toujours, il y aura toujours des gens qui vont juger que c'est un meurtre. Donc, il vaut mieux, plutôt avec Morgan Taylor, on n'a pas légalisé l'avortement, on l'a simplement décriminalisé. Ouais. Et avec ce jugement-là, on va laisser aussi un vide juridique parce que le gouvernement de Brian Mulroney va tenter de ramener une nouvelle loi, mais qui sera jamais votée. Mm-hmm. Et par conséquent, le Canada, depuis ce temps-là, et le Québec, n'a pas de loi sur l'avortement, mais ça nous permet une marge de manœuvre bien plus grande que si on avait une loi qui peut toujours être défaite. D'ailleurs, pensons aux États-Unis, on a très peur pour Roe versus Wade, là, qui a légalisé l'avortement en 73, mais avec l'arrivée de Donald Trump, ça pourrait être renversé, cette décision. Francine, il faut s'arrêter là-dessus, c'était fascinant, merci beaucoup. Merci. Francine Pelletier, journaliste que vous pouvez lire entre autres dans Le Devoir, amie de l'émission. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Algouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.